الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toujours dans la lecture et la traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam عبد الغني المقدسي, une explication de Cheikh Abdullah al-Bassam رحمه الله تعالى. La semaine dernière on avait expliqué le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Qui nous le récite? Sadaqa. ذودين ولا فيما دون خمسة أحسنت بارك الله فيك. ثم قال المؤلف رحمه الله, et je rappelle aux frères que les hadiths, vous devez les apprendre par cœur. C'est important d'apprendre par cœur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est ce qu'il reste. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثامن والستون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. رواه البخاري ومسلم, وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. رواه أبو داود, والذي في مسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. Le 168e hadith. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: le musulman n'a pas de sadaqa vis-à-vis de son esclave ni de son cheval. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans les termes de Muslim, sauf zakat al-fitr pour l'esclave. Et ce qui est présent également dans le sahih de l'imam Muslim, qu'il n'y a point de d'aumône pour l'esclave si ce n'est la zakat al-fitr. Donc ici as-sadaqa, ce qui est voulu dans ce hadith, c'est az-zakat. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. Taqaddama anna az-zakata mabnaha 'ala al-musawat wal-'adl, litha awjabaha Allah ta'ala fi amwal al-aghniya' an-namiyah wal-mu'addah lin-nama كالخارج من الأرض وعروض التجارة. أما الأموال التي لا تنمو وهي باقية للقنية والاستعمال فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها, وذلك كمركبه من فرس وبعير والسيارة, وكذلك عبده المعد للخدمة وفرسه وأوانيه المعد للاستعمال. لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد, فإنها تجب وإن لم يعد للتجارة, لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال. Le sens général de ce hadith. On l'a vu précédemment que la zakat est basée sur l'entraide et la justice. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal l'a rendue obligatoire concernant le bien des riches, des biens qui augmentent ou qui sont préparés à être augmentés, comme ce qui sort de la terre et les marchandises présentées à la vente. Quant aux biens qui n'augmentent pas, que la personne possède ou qu'elle utilise, il n'y a pas de zakat dans cela. À titre d'exemple, kamarkabihi, comme son moyen de transport, que ce soit un cheval, que ce soit un âne, une voiture, de même pour son esclave qui est à son service. Également, son cheval et sa vaisselle qui est utilisée. Exception faite à cela, zakatul fitr pour l'esclave. Car cette zakat est obligatoire même si cet esclave n'est pas à vendre. Car cette zakat, zakatul fitr, concerne, est liée au corps et non au bien. Elle est liée au corps et non au bien. Est-ce que c'est clair? Dans la parole du Cheikh, rahimahullah, que la zakat est ce qu'Allah azawajal a rendu obligatoire vis-à-vis des biens des riches qui augmentent ou qui sont préparés à augmenter comme ce qui sort de la terre. Et on a vu la semaine dernière qu'il y avait une exception à cela. Quelle est cette exception? Qu'est-ce qui sort de la terre sur laquelle il n'y a pas de zakat? Hein? Al-khadrawat, les légumes, pas les fruits, les légumes. On a dit que les légumes, il n'y avait pas de zakat dessus. ثم قال المؤلف ما يؤخذ من الحديث أولا إن الزكاة لا تجب في العبد الذي للخدمة والفرس والمعدة للركوب قال ابن القيم في تهذيب السنن إنما سقطت الصدقة عن الخيل والرقيق إذا كانت للخدمة والركوب فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, que la zakat n'est pas obligatoire pour l'esclave et le cheval, pour l'esclave qui est au service de son maître et le cheval qui est son moyen de locomotion. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, a dit la zakat ne concerne pas les chevaux et les esclaves lorsque ceux-ci sont au service de celui qui les possède. Quant à ce qui est présenté à la vente, alors il y a une zakat et on donne la zakat de sa valeur. Donc les marchandises, beaucoup de savants considèrent qu'il y a une zakat sur les marchandises qui sont présentés à la vente. Lorsque ces marchandises restent un an révolues. Lorsque ces marchandises est à vendre et que tu l'as en ta possession pendant un an, tu dois sortir la zakat. Comment tu sors la zakat d'une marchandise? Eh bien, tu sors l'équivalent. Tu regardes la valeur de cette marchandise et tu sors les 2,5% de celle-ci. ثانيا إن زكاة الفطر واجبة للعبد مطلقا سواء أكان للخدمة أم للتجارة لأنها متعلقة بعينه لا بقيمته كأموال العروض. Deuxièmement, que زكاة الفطر est une obligation pour tous les esclaves, que cet esclave soit au service de son maître ou qu'il soit à vendre, car la zakat est liée à la personne et non pas au bien. Et qui doit sortir la zakat al-fitr de l'esclave? C'est son maître. Thalithan, inna kullama u'idda lil-isti'mal wa li'iqtina' ila tajibu fihi az-zakah, li'annaha mabniyatun 'ala al-musawat idha lam yanmu al-mal. أكلته إذا لم ينم مال أكلته الزكاة فيتضرر صاحبه. Troisièmement, que tout ce qui est utilisé ou possédé il n'y a pas de zakat dessus. Car la zakat est basée sur l'entraide. Et si les biens n'augmentent pas, alors la zakat mangera ce bien et le propriétaire en sera lésé. Ainsi, une voiture, lorsque tu l'utilises, est-ce que cette voiture est amenée à augmenter? Non. Si on devait sortir la zakat sur une voiture qu'on utilise, yani, il y aurait un préjudice pour la personne. D'accord? Car la voiture, elle permet de se déplacer. Elle permet de se déplacer et ce n'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent de façon directe. Même si cette parole de Cheikh al-Bassam rahimahullah ne peut pas être prise comme ça de façon générale, car une personne qui possède une somme d'argent, de l'argent qui dort, est-ce qu'il doit sortir la zakat dessus ou pas? Non, oui, alors que cet argent n'est pas utilisé, ne se fructifie pas. Il n'augmente pas au fur et à mesure du temps. C'est de l'argent que la personne possède, qui est bien au-dessus du seuil du nisab, mais que la personne a choisi de garder et de laisser cet argent dormir, entre guillemets. Donc, si on prend de façon brute la parole de Cheikh al-Bassam, on exclurait cet argent de la zakat. Car, au fur et à mesure du temps, cette personne va sortir tous les ans la zakat dessus, et cet argent qui dort, plus les années passent et plus il va diminuer. Donc, la parole de Cheikh al-Bassam ne doit pas être prise dans son contexte général, mais plus dans les choses qui sont utilisées, les biens que tu utilises, comme une maison par exemple. Tu as ta maison. Ta maison, est-ce qu'elle a une valeur ou pas? Oui. Si tu devais sortir la zakat sur la valeur de ta maison tous les ans, cela serait un préjudice pour toi. Pourquoi? Car c'est une maison dans laquelle tu habites, mais qui ne te ramène pas forcément d'argent. D'accord? Tu habites dedans. Et les savants disent pareil pour une maison que tu as, mais que tu loues. Que tu fais louer plutôt. Que tu fais louer. Les savants disent que une maison que tu fais louer, tu ne sors pas la zakat dessus. Car si tu sortirais la zakat sur la valeur de la maison tous les ans, cela te causerait préjudice. Par contre, les loyers que tu perçois, lorsque ces loyers que tu perçois arrivent au nisab et que tu l'as en ta possession pendant un an, là tu sors la zakat. Car cela est considéré comme ton bien. C'est comme un gain que tu as eu qui vient augmenter ton capital. Mais quant à la maison en elle-même que tu possèdes, dans laquelle tu habites ou que tu fais louer, il n'y a pas de zakat dessus. C'est cela que le shir explique cela en disant que un bien dont la valeur n'augmente pas ou que l'argent n'augmente pas, yani qu'il n'y a pas de zakat dessus. Donc il faut bien la prendre en considération, cette parole de Cheikh al-Bassam rahimahullah ta'ala. رابعا ما تقدم كون الزكاة لا تجب إلا في المال النامي ومأخذ الذين لا يجبون الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وهو مأخذ جيد. Quatrièmement, ولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عنه ولنا رسالة سميناها القول الجلي في زكاة الحلي فصلنا فيها القول فلتراجع. Quatrièmement, Cheikh al-Bassam dit rahimahullah, ce que l'on a cité précédemment, que la zakat n'est pas obligatoire sur les biens qui ne sont pas amenés à augmenter. Et quand on dit bien, ça peut être, on parle plus d'objets. Car on a vu que l'argent, à partir du moment où il a le nisab, tu sors la zakat dessus. Donc là, on parle d'objets. Et c'est l'un des arguments qu'utilisent les savants qui ne voient pas l'obligation de la zakat sur les bijoux utilisés, qui est un argument bon. Mais des textes ont été rapportés concernant les bijoux d'or et d'argent qui viennent appuyer et renforcer l'avis des savants qui rendent obligatoire la zakat sur l'ensemble des bijoux. Ainsi, le plus sûr est de sortir la zakat sur les bijoux. Et nous avons un épître que nous avons appelé Al-Qawlul Jali, la parole claire sur la zakat des bijoux, dans lequel nous avons explicité les différents avis. Vous pouvez y retourner, comme le dit Cheikh Al-Bassam. Donc, concernant les bijoux, certains savants disent que ceux qui sont utilisés, on ne sort pas la zakat. On ne sort la zakat que de ceux qui ne sont pas utilisés. Car ceux qui ne sont pas utilisés, c'est comme de l'argent qui dort. Et les savants qui n'obligent pas la zakat sur les bijoux qui sont utilisés disent que ces bijoux, ils sont utilisés. Donc la personne ne recherche pas de profit à travers cela. Donc de sortir la zakat dessus serait un préjudice pour la personne. Mais Cheikh Al-Bassam dit qu'il y a beaucoup de hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de sortir la zakat sur les bijoux sans différencier entre les bijoux qui sont utilisés et ceux qui ne sont pas utilisés. Même d'autres hadiths qui sont clairs, où lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme avec un bijou, donc elle le portait. Il a dit, akharashti zakataha, est-ce que tu as sorti sa zakat? Et bien d'autres hadiths, comme le dit Cheikh Al-Bassam, qui viennent renforcer la parole des savants qui obligent la zakat sur l'ensemble des bijoux. خامسا بمثل هذه المقارنات الشرعية بين حق الفقير والغني تعلم سماحة هذه الشريعة وعدل أحكامها ونظرها في أحوال الناس بعين المصلحة العامة ومن أحسن قولا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Et à travers ces différentes comparaisons entre le droit du pauvre et le droit du riche, tu vois la beauté de cet islam et la justice dans ses jugements. Et tu vois comment l'islam prend en compte la situation des gens dans ce qui leur est le plus profitable. Puis il cite la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Et quel jugement est meilleur que le jugement d'Allah pour un peuple qui ont la certitude ? ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث التاسع والستون بعد المئة. Le 169e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس رواه البخاري ومسلم. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه والعجماء الدابة البهيم. Le 169e hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le propriétaire d'une bête, celui d'un puits, celui d'une mine, ne sont pas responsables. Et dans le rikaz, le cinquième. Et dans le rikaz, le cinquième. Al-Jubar, al-Hadaru alladhi la shay'a fihi. C'est-à-dire la perte ou le préjudice qui n'est pas porté à la responsabilité de son propriétaire. Et Al-Ajma, c'est la bête. Al-Gharib, awalan Al-Ajma. بفتح العين وإسكان الجيم ممدودة وهي البهيمة سميت عجماء لأنها لا تتكلم. المعدن هو المكان الذي تستخرج منه الجواهر وأمثالها. الجبار بضم الجيم يعني هدر لا ضمان فيه. الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي أي المركوز المغروز في الأرض وهو دفن الجاهلية. دونك العجماء qui signifie la bête. Et la bête a été appelée Ajma car elle ne parle pas. Car les bêtes ne parlent pas. Al-Ma'din, qui sont les mines, les endroits dans lesquels l'on extrait les pierres précieuses et autres. Joubar, dans ce hadith, c'est-à-dire une perte, la dhamana fih. Une perte ou un préjudice dans lequel il n'y a pas de compensation. C'est-à-dire que la responsabilité n'est pas engagée. Et on va voir pourquoi, inshallah ta'ala. Rabi'an, quatrièmement, al-rikaz. Al-rikaz, c'est-à-dire ce qui est enfoui dans la terre. Et le shir dit que c'est ce qui est enfoui pendant la période anté-islamique. Ce sont les trésors enfouis dans la terre pendant la période anté-islamique. Al-ma'na al-ijmali. يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي يحصل منها تلف خارج عن قدرة الإنسان وتسببه وإهماله وأنه ليس عليه من جزاء إتلافها شيء وذلك كالبهيمة التي لم يفرط في إرسالها ولم يكن متصرفا فيها فتتلف زرعا أو تضر أحدا بعض أو ضرب بيدها أو رمح برجلها وكذلك لو أمر إنسانا بدون إكراه له أو تغرير به بنزول في بئر أو عمل فلا ضمان على الآمر لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط أما لو أكرهه على ذلك أو كان يعلمه أن في هذه الأشياء ونحوها خطرا فغره ولم يعلمه بذلك فإنه عليه الضمان ثم ذكر أن من وجد كنزا قليلا أو كثيرا فعليه إخراج خمسه لأنه حصل بلا كلفة ولا تعب فشكرا لله تعالى ومواساة لإخوانه المسلمين يجب عليه أن يخرج منه الخمس لأنه كالفي الذي يحصل من مال الكفار بلا كلفة وهكذا تلاحظ الشريعة العدل والإنصاف في أحكامها فتقدم قدر الزكاة فيما يحتاج إلى كلفة ومشقة ومؤنة واختلافه حسب ذلك. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique dans ce hadith les choses qui peuvent causer préjudice mais qui ne sont pas de la volonté de la personne. Ne sont ni voulus par la personne et ne sont pas dus à sa cause directe ni à un manquement de sa part. وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَزَاءِ إِتْلَافِهَا شَيْءٍ et que cette personne n'a pas de compensation et n'est pas tenue responsable de ce qui pourrait être causé comme préjudice. Puis le cheikh donne l'exemple. وَذَلِكَ كَالْبَهِيمَ et ceci comme la bête. Comme la bête dont le propriétaire n'a pas fait de faute en la laissant partir. Et cette bête détruit un champ ou fait mal à une personne en la mordant ou en la frappant. Également, si une personne sans forcer ni tromper, demande à une autre personne de descendre dans un puits pour y travailler. Alors, celui qui ordonne les travaux n'est pas responsable de ce qui peut arriver dans ce puits à partir du moment où il n'y a pas eu de manquement et à partir du moment où il n'y a pas eu de manquement. Par contre, si celui qui ordonne les travaux force la personne, ou si celui qui ordonne les travaux connaît un danger mais trompe le travailleur en ne l'informant pas des dangers, alors dans ce cas, il est responsable, c'est-à-dire que s'il y a un préjudice, il doit en payer les conséquences. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que celui qui trouve un trésor, petit soit-il ou grand, il doit sortir son cinquième, car il a trouvé ce trésor sans effort et fatigue de sa part. Ainsi, par reconnaissance envers Allah Azzawajal et par entraide avec ses frères musulmans, il doit sortir le cinquième de ce trésor. Car ce trésor est comme Al-Fay, alladhi yahsulu min mal al-kuffar bila kulfa. Qu'est-ce que le Fay? C'est le. Il y a le Fay et il y a le Ranima. Al-Fay, c'est le fait de prendre les biens des kuffars avec qui la guerre est déclarée, mais sans combat. Et le butin, on parle de butin, les biens qui sont récupérés après avoir combattu. Et Allah Azza wa Jal, concernant Al-Fay, dit ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil kay la yakuna dawlatan bayna al-aghniya'i minkum. C'est-à-dire que le butin provenant des habitants de la cité qu'Allah a accordé sans combat, que ce butin appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs qui sont dans le besoin. Et puis Allah Azza wa Jalla dit, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous, afin que ces biens n'en profitent pas uniquement les riches, mais à partir du moment où c'est un bien qu'Allah Azza wa Jalla t'a accordé sans fatigue de ta part et sans effort, eh bien, tu dois en donner une partie aux musulmans. Pour cela qu'ici, Al-Rikaz, le shir ici, l'a comparé à Al-Fay, le trésor enfoui que la personne aurait trouvé sans produire d'effort, est comparable au Fay, à ce butin que les musulmans prennent des non-musulmans avec qui ils sont en guerre sans combat. Et ainsi, tu remarques la justice de cette législation et l'équité dans ses jugements, et que le montant de la zakat dépend des efforts qui ont été fournis par la personne. Ma yukhadu min al-hadith. أولا إنه لا ضمان في البهيمة إذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها أو لم يرسلها ليلا، فإن تسبب صاحبها بما أتلفت أو أرسلها ليلا فأفسدت على الناس زرعهم فعليه الضمان. فقد قيد العلماء إطلاق هذا الحديث بأدلة أخرى بضمان المتسبب وهو مذهب الجمهور، وذكر ابن دقيق العيد اختلاف العلماء في عموم الهدر، ووصل إلى القول بأن جناية البهيمة هدر إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن تحت يده، وقال وينزل الحديث على ذلك. Ce qu'on le retient premièrement, c'est qu'il n'y a pas de compensation pour les dégâts causés par une bête lorsque son propriétaire n'en est pas la cause directe. C'est-à-dire lorsque un propriétaire ramène sa bête devant un champ et lance sa bête, vas-y. Là, il a été la cause de la destruction des champs d'autrui. ou lorsqu'il l'envoie, lorsqu'il lâche sa bête la nuit. Car le fait de lâcher la bête la nuit, cela est une erreur. On ne lâche pas une bête la nuit, car la bête ne sait pas où elle va. Et une bête qui ne sait pas où elle va, elle peut soit faire du mal à une personne, soit causer préjudice à des biens. Ainsi, si le propriétaire en est la cause, et la cause du préjudice, ou si il lâche sa bête la nuit et qu'elle cause préjudice aux cultures des gens, alors il se doit de compenser. Ainsi, les savants ont restreint ce hadith, l'ajma ou jubar, que point de responsabilité vis-à-vis d'une bête, que ce hadith est restreint par d'autres hadiths lorsque la personne en est la cause. Et c'est ce qu'a dit, et c'est l'avis de la plupart des savants. Et l'imam ibn Daqiq al-Aid, a cité les différents avis des savants et on est arrivé à la parole que un crime commis par une bête, que cela n'est pas, il n'y a pas de compensation vis-à-vis du propriétaire de cette bête s'il n'y a pas de manquement de sa part. Ainsi doit être compris le hadith. Thaniyan, innahu la damana fima atlafat bi'rahu aw ma'dinahu idha lam yakun mukraha. Man atlafat bi'ruhu man atlafat bi'ruhu aw ma'dinahu idha lam yakun mukrihan innazil aw al'amil aw 'aliman bi anna fi dhalika khataran فغره ولم يعلمه فإن أكره أحدا على النزول في بئر أو الصعود لشجرة أو نحو ذلك أو لم يكرهه ولكن فيه خطر ولم يعلمه فعليه الضمان لأن التلف حصل بسبب إكراهه أو من تغريره. Donc également il n'y a pas de compensation lorsqu'un puits ou une mine cause préjudice à une personne à condition que cette personne ne soit pas forcée. Que le propriétaire de ce puits ou de cette mine ne force pas le travailleur à descendre dans le puits, par exemple. Ou lorsque ce propriétaire connaît un danger, mais trompe le travailleur en ne l'informant pas de ce danger. Si il force quelqu'un à descendre dans le puits ou à monter à un arbre ou autre. Et même s'il ne le force pas, mais qu'il connaît un danger dont il n'a pas informé, alors il se doit, s'il y a un préjudice, si jamais le travailleur, le puits tombe sur lui, se renferme sur lui, ou si il tombe de l'arbre, etc., alors il se doit de compenser le préjudice. Car ce préjudice aura eu lieu à cause soit du fait qu'il l'ait forcé à le faire alors qu'il ne le voulait pas, ou soit parce qu'il a trompé en ne l'informant pas d'un danger. Thalithan, innahu yajibu ikhraju al-khumus mimma wujida min al-kunuz qalilan kan al-mawjud aw kathira. Troisièmement, qu'il est obligatoire de sortir le cinquième de ce que l'on trouve comme trésor, que ce trésor trouvé soit en grande quantité ou en petite quantité. Rabi'an, khassahu ba'du al-ulama'i bima 'alayhi 'alamat kuffar. Bi'an yakuna min zaman al-jahiliyyah wa dhakara as-sam'ani qaydan thaniyan wa huwa an yakuna fi ardin mawat أو ملك أحياه الواجد فإن كان في أرض مملوكة فليس بركاز وإنما هو لقطة. Quatrièmement, certains savants ont restreint ces trésors trouvés par des trésors qui comportent des signes de mécréance qui prouveraient que ce trésor a été enfoui pendant la période anti-islamique, avant l'arrivée de l'islam. Et l'imam San'ani ajoute une deuxième restriction qui est à condition que ce trésor soit trouvé dans dans une terre morte, une terre qui n'appartient à personne, ou que c'est une terre qui est possédée par celui qui la trouve. Donc tu trouves un trésor dans ta terre ou dans une terre que tu as fait revivre. Et on avait vu dans les cours de l'Oasis que lorsque tu arrives dans une terre qui n'appartient à personne et que tu fais revivre, elle t'appartient. Man ahya ardan mayta fahiya lahu, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu arrives dans une terre qui n'appartient à personne, qui est utilisée par personne et que tu la fais revivre, c'est-à-dire soit tu construis ta maison, soit tu cultives, etc., eh bien cette terre qui auparavant était morte et que tu as fait revivre est ta possession. Et lui-même, San'ani, dit, par contre, si la terre dans laquelle tu as trouvé le trésor appartient à quelqu'un d'autre, alors, ce n'est pas un trésor trouvé, mais c'est un objet perdu. Mais c'est considéré comme un objet perdu. Fahiya luqata. Et l'objet perdu revient à son propriétaire. Le propriétaire est celui qui possède la terre. Khamisan an yakhruj al-khumus min hini yajidu. كما هو ظاهر الحديث فإن النماء فيه متكامل وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء قال النووي وعدم اشتراط الحول بالركاز إجماع. Cinquièmement, on retient de ce hadith que les cinquièmes de ce trésor doivent être sortis au moment où le trésor est trouvé. Autrement dit, que il n'y a pas la condition de posséder le trésor pendant un an. Et ceci, comme l'a dit l'imam Nawawi, est à l'unanimité des savants. Que concernant les trésors enfouis que tu retrouves, tu sors le cinquième et qu'il n'y a pas comme condition le fait de le posséder pendant un an. Sadisan al-zahiru min al-hadith, annahu يخرج منه لا من قيمته سواء كان من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك. Sixièmement, ce qui apparaît du hadith, c'est que l'on sort un cinquième du trésor et non pas de sa valeur. Et non pas de sa valeur. Tout à l'heure, on a dit par rapport aux marchandises que la zakat, tu la sors par rapport à la valeur de la marchandise. Concernant les objets, les trésors trouvés, tu sors le cinquième du trésor. Tu ne sors pas le cinquième de sa valeur. Ainsi, et ceci, que ce trésor soit d'or ou d'argent ou de cuivre ou de fer ou autre. سابعاً بهذه الميزات يعلم أن شبهه بالفي أقرب من شبهه بالزكاة. ولذا قال كثير من العلماء إن مصرفه مصرف الفي يصرف في المصالح العامة لا مصرف الزكاة الذي يجعل في الأقسام الثمانية لأن الركاز قد فارق الزكاة بالأمور الآتية. أولا الزكاة لا تخرج إلا من نصاب محدود فما فوقه، أما الركاز فيخرج الخمس من قليله أو كثيره. ثانيا الركاز يخرج من عينه، أما العروض فتخرج زكاتها نقودا. ثالثا الركاز حوله وجوده، أما الزكاة فلها حول محدود معلوم لا تجب قبله. رابعا مصرف الركاز مصرف الفي في المصالح العامة، والزكاة تصرف في الأوجه الثمانية المعروفة. خامسا الركاز فيه الخمس والزكاة أكثر ما فيها العشر وأقل ما فيها ربع العشر. Septièmement, ce qu'on retient de ce hadith, à travers ces particularités, l'on voit que le trésor ressemble plus au fei qu'Allah zakat. Pour cela que beaucoup de savants ont dit que Al-Rikaz, les trésors, le cinquième, tu le donnes à qui? On a vu que tu donnes le cinquième du trésor, mais le cinquième, tu le donnes à qui? Pour cela que le fait que le shir dise que Al-Rikaz, les trésors, ressemblent plus au fey, qui est le butin obtenu sans combat, ressemble plus au fey qu'à la zakat. Et donc, s'il ressemble plus au fey qu'à la zakat, dans ce cas, tu donnes les cinquièmes du trésor à ceux à qui tu donnes le fey. D'accord ? Et le fey, les savants disent que tu le donnes dans dans ce qui est d'intérêt général. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Donc les savants ont dit ce verset que Al-Fay, tu dépenses dans ce qui est d'intérêt général. D'accord ? Concernant la zakat, on a vu que la zakat, elle se donne uniquement aux 8 catégories. Aux 8 catégories citées dans Sourate At-Tawbah. Naam. Non, c'est l'il-khiyar. C'est au choix. Dans l'ayat de Tawbah, les 8 catégories, c'est au choix. Et on peut donner une catégorie et ne pas donner au reste des catégories, etc., etc. Donc il n'y a pas de priorité. Donc tout dépend du besoin des personnes qui sont autour de toi. Ainsi, beaucoup de savants ont dit que le rikaz, le cinquième, tu le donnes à ceux à qui tu donnes le fey. Non à ceux à qui tu donnes la zakat qui sont au nombre de 8 catégories. Car Rikaz, le trésor, est différent de la zakat par ces choses suivantes. Puis le shir cite 5 différences. Premièrement, la zakat, on ne la sort que lorsque les biens atteignent un seuil et au-dessus. Quant au trésor, on a dit que l'on donne le cinquième, que ce trésor soit en grande quantité ou en petite. Donc il n'y a pas de seuil concernant les trésors trouvés. La deuxième différence, c'est que Al-Rikaz et trésor, tu sors le cinquième du trésor et non pas de sa valeur. C'est la deuxième différence. La troisième différence, c'est que Al-Rikaz, le trésor, tu le sors au moment où tu le trouves. Quant à la zakat, tu la sors lorsque tu as eu le bien qui a dépassé le seuil pendant une année révolue et tu n'es pas obligé de la sortir avant. La quatrième différence, c'est que ceux à qui tu donnes le rikaz sont ceux à qui tu donnes le fey, c'est-à-dire dans les sujets d'intérêt généraux. Quant à la zakat, elle se donne aux huit catégories connues. La cinquième différence, c'est que dans la zakat, dans le rikaz, à la fois dans les trésors, on donne le cinquième. Et concernant la zakat, le plus que l'on puisse donner, c'est le dixième. Et dans quel cas on donne le dixième ? Fima saqati as-sama'u al-'ushr. Dans ce qui est arrosé par le ciel, on donne le dixième. Donc, on donne le dixième de la zakat, le dixième de nos biens, lorsqu'il s'agit de récoltes que l'on n'a pas nous-mêmes arrosées, mais qui ont été arrosées par la pluie ou des fleuves ou autres, qui n'ont pas demandé d'effort de notre part pour les arroser. C'est le taux le plus élevé de la zakat, à savoir le dixième. Et le plus petit taux est le rub'ul ushr, le quarantième, c'est-à-dire les 2,5%. Est-ce que c'est clair ? ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.